douleur et souffrance. Tenez bon, Marguerite, on arrive! Pas d'échelle! Ma jambe, mon Dieu! Vous avez mal! Et toi, qu'est-ce qui t'a fait le plus mal? Quelle a été ta pire douleur? Peut-être avez-vous déjà abordé ce sujet, entre amis bien confortables, à l'aise, comparant vos pires souvenirs, comme si à ce jeu-là, il y en avait un qui pouvait gagner. Accouchement, rage de dents, colique néphrétique, rupture amoureuse, entorse, deuil. Alors, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Vous le savez bien, vous savez ce que ça vous a fait. Mais le langage est-il assez puissant? Les autres peuvent-ils l'entendre? Et qui êtes-vous pour en parler? Et puis, y a-t-il vraiment quelque chose à en tirer? Peut-être pas. Mais parce que chacun d'entre nous l'a expérimenté, peut-être faut-il d'abord apprendre à dire et à interroger ce que la douleur nous fait. Ça vous fait mal? À votre avis? Sur une échelle de 10 pour la douleur, vous diriez quoi? Je prends 4. Bon, bah c'est supportable. Je vais remplir les dossiers. Ça va là? Ça va beaucoup mieux, là je sens que la douleur se calme. La douleur est une simple information. Aïe! La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas? Mais j'ai pas de douleur, moi. Aucune douleur. J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur vider mon flingue dans les couilles. La douleur m'a fait dire des choses affreusement grossières que je ne pensais pas, cela va sans dire. Je m'excuse. Je voulais pas te faire de peine. Moi aussi, j'ai de la peine. La douleur, ça se contrôle. Il n'y a qu'à débrancher. Tu ne ressens rien? Tu souffres? Eh bien, moi, je ne souffre plus. Parce qu'il ne faut pas souffrir tous les deux à la fois. Bonjour, Claire Marin. Bonjour. Est-ce que vous pensez, comme on vient de l'entendre dans cet extrait à la fin de Jules et Jim de François Truffaut, que la douleur, ça se contrôle? Non, je ne crois pas que la douleur se contrôle. Malheureusement, on aimerait bien débrancher, comme dans l'extrait. Je crois que malheureusement, non seulement elle ne se contrôle pas, mais c'est elle qui prend le contrôle dans un certain nombre d'expériences, et c'est elle qui impose son rythme jusqu'à même s'inscrire durablement dans la chair. Même quand il n'y a plus de raison physiologique à souffrir, on sait qu'il reste des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer. Et sur le plan psychologique, les choses sont les mêmes. Si on réussissait à se déconnecter, se défaire de ces douleurs, de ces souffrances psychiques, on serait bien heureux. Donc on a des moyens parfois de lisser les affects, mais je ne crois pas qu'on puisse faire disparaître, ou même peut-être, on pourra en discuter, s'habituer à la douleur. Claire Marin, vous êtes philosophe, vous êtes professeure de philosophie en classe préparatoire, écrivaine. Récemment, votre livre « Être à sa place » est sorti aux éditions de l'Observatoire. Vous avez travaillé sur la douleur à travers de nombreux livres. Je peux citer « Souffrance et douleur » autour de Paul Ricoeur. Sous votre direction et celle de Nathalie Zakaï-Renner, c'était paru au PUF. Mais aussi « Violence de la maladie »,« Violence de la vie » aux éditions Armand Collin. Vous l'avez dit, la douleur, c'est d'abord une expérience. Alors, est-ce qu'on peut en donner véritablement une définition qui puisse véritablement convenir à tout le monde? Alors c'est assez compliqué parce qu'on sent bien qu'entre souffrance et douleur, on n'est pas très à l'aise pour faire la distinction, et que chacun en fait a sa propre hiérarchie ou sa propre articulation sur le sens de ces deux mots, et à certains moments on hésite, on va dire à quelqu'un bah je partage ta douleur, ou donc il pourra s'agir tout aussi bien d'un terme qu'on emploie chez le médecin, où est-ce que vous avez mal, est-ce que c'est douloureux, ça sera un équivalent. Et quand je dis à quelqu'un, je comprends ta peine et ta douleur, ça peut être lors d'un deuil ou d'une situation tragique. Donc, en réalité, il y a une espèce de flou autour de ces termes. Peut-être que la différence dans le terme de souffrance, c'est qu'il renvoie étymologiquement à l'idée d'une passivité et peut-être de quelque chose qui dure et qui s'installe, là où la douleur peut-être est utilisée pour des choses plus ponctuelles. Mais là encore, dans l'usage, on voit bien que l'usage est très flottant. Pourtant, mais ça c'est un point de vue qui n'appartient qu'à moi, la douleur, c'est un mot que j'emploie très très très peu, et qui signifie, qui renverrait plutôt à une situation exceptionnelle de douleur, justement, d'une intensité qui dépasse la souffrance, qui est quelque chose qu'on peut plus facilement dire. C'est-à-dire, on parle par exemple de la souffrance des victimes, ou de dire je suis souffrant, par exemple, je suis souffrant, je ne peux pas aller travailler, ou un être en souffrance. C'est un terme qui est beaucoup plus banal, la souffrance, alors que la douleur a quelque chose d'exceptionnel et même renvoie à quelque chose de grandiose et de sublime. Alors, je crois que on peut entendre cette résonance-là de douleur dans l'usage qu'on va, dans l'usage par exemple latin du terme. Effectivement, il y a quelque chose qui est réservé aux grandes douleurs. Après, on peut retrouver dans le vocabulaire médical un usage de douleur ou douloureux qui est très ponctuel, très physique, très localisable, et à telle douleur va correspondre par exemple telle antalgique. Donc là encore, ça dit quelque chose d'intéressant, je crois, sur l'imaginaire de chacun autour de ces deux termes. Est-ce que quand vous évoquez douleur, vous avez par exemple des tableaux de mère éplorée en deuil, voilà, ou d'iconographie religieuse qui font de la douleur quelque chose qui s'applique à des situations tragiques, ou est-ce que on va parler de la douleur de ce tennisman qui continue malgré tout à jouer, ce qui permet un peu de revenir sur votre première question, parce que il y a des douleurs qu'on endure, qu'on supporte, quand elles s'inscrivent dans un enjeu qu'on estime infiniment plus grand. Donc, on ne contrôle pas la douleur. Là, il y a un contre-exemple à ce que je répondais tout à l'heure. Selon le sens qu'on donne à la douleur dans l'événement qu'on est en train de vivre, effectivement, on pourra peut-être pas la contrôler, mais la supporter autant que possible si elle s'inscrit dans quelque chose qui nous semble plus important, comme c'est le cas dans cet exemple. Mais je crois, pour revenir à la question de la différence, que chacun investit de manière imaginaire et peut-être aussi de manière inconsciente ces deux termes d'une façon très différente. Ça renvoie aussi à l'usage qu'on en a fait dans notre famille. Est-ce que douleur était grandiloquent et on n'allait pas en parler pour les petits bobos du quotidien ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était le terme de souffrance qui semblait ouvrir un abîme désespéré ? Donc là aussi, chacun a mis non seulement des expériences, mais un imaginaire et un inconscient qui peut être culturel d'une part, hein, mais aussi familial. Ce qui repose la question de quelle définition on pourrait donner de la douleur, une définition qui soit à la fois universelle, respectueuse en fait de l'expérience vécue par chacun. Et pour revenir à cette distinction entre douleur et souffrance, je vous propose d'écouter justement un texte de Paul Ricoeur qui fait cette distinction-là. C'est dans un court texte, une conférence qu'il a prononcée en 1992. On s'accordera pour réserver le terme « douleur » à des affects ressentis comme localisés dans des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier, et le terme « souffrance » à des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement. Mais la douleur pure, purement physique, reste un cas limite, comme l'est peut-être la souffrance supposée purement psychique, laquelle va rarement sans quelques degrés de somatisation. Ce chevauchement explique les hésitations du langage ordinaire. Nous parlons de douleur à l'occasion de la perte d'un ami, mais nous déclarons souffrir d'un mal de dents. Alors que la douleur a son lieu dans le corps entier, le souffrir se somatise de façon élective au niveau de la mimique, et plus particulièrement dans l'espace du visage. Ainsi, son expression se replie-t-elle sur le cri et les larmes. Une déchirure s'ouvre entre le vouloir dire et l'impuissance à dire. Et c'est dans cette faille que le vouloir dire se forge néanmoins le chemin de la plainte. La plainte est à la fois exhalée de soi, arrachée du fond du corps, et adressée à l'autre comme demande, comme appel à l'aide. Par là se marque la différence avec la douleur, qui bien souvent reste enfermée dans le silence des organes. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Ce qui est très frappant dans ce texte de Paul Ricoeur, donc, qui s'intitule « La souffrance n'est pas la douleur », c'est une conférence qu'il a prononcée en 1992, qu'on a entendu interpréter par Hélène Lossard. Ce qui est frappant, Claire Marin, dans ce texte, c'est la manière dont Paul Ricoeur parvient à nous dire des choses extrêmement profonde, on va dire, mais même presque abstraite, sur la douleur et la souffrance, tout en partant de cas extrêmement concrets quand il parle d'hésitation du langage ordinaire. On va dire qu'on parle de douleur à l'occasion de la perte d'un ami, mais aussi qu'on souffre d'un mal de dents, et il parle de ces mimiques qui se restreignent, qui se développent dans l'espace du visage. C'est une manière, en fait, de rendre presque, de faire une phénoménologie de la souffrance avant même d'en faire une métaphysique. Oui, tout à fait. Il dit dans ce texte d'ailleurs que l'ambition, c'est d'arriver à une certaine intelligence des signes du souffrir. Donc réussir à comprendre ce que tous ces signes de la souffrance essayent de manifester, puisqu'une des caractéristiques de la souffrance ou de la douleur, puisqu'on a bien compris que même s'il pose cette distinction assez vite, il dit que dans notre quotidien, elle s'efface, hein, et qu'il s'agit de catégories qu'on va définir au départ, mais que en réalité, il y a une forme de fluctuation dans la manière de désigner ces expériences. Ce qu'il dit bien, c'est que une des difficultés, c'est que ça nous empêche de dire. En fait, il dit, c'est un désastre du narratif, c'est-à-dire on n'arrive plus à dire, et ça c'est une expérience à laquelle on a déjà tous été confrontés, quand je dois décrire une douleur physique, je vais utiliser des images, des métaphores, mais c'est extrêmement compliqué. Alors parfois, les médecins, à force d'usage, de pratique, finissent par nous suggérer des images, est-ce que ça pique, est-ce que ça brûle, enfin, les mamans aussi ou les papas font ça, mais réussir à poser très précisément des mots sur la douleur, je crois que ça implique déjà une forme de création littéraire. Il faut tordre le discours, le langage, pour réussir à le dire. Et l'idée qui est intéressante chez Ricoeur, c'est que donc la souffrance nous isole, nous n'arrivons pas à la dire aux autres. Elle nous empêche de faire, deuxième impuissance, hein, c'est que elle va nous paralyser, nous ralentir, nous rendre incapables, impuissants. Et puis elle a un autre effet qui a un lien avec le visage évoqué un peu plus loin dans le texte. Elle a un effet important que Ricoeur souligne et qui est peut-être trop souvent négligé, c'est l'incapacité à s'estimer soi-même. C'est-à-dire que cette expérience de douleur ou de souffrance, elle me dégrade, voire elle me démolit, puisque on retrouve ces expressions, par exemple, dans des textes de Georges Canguilhem, hein, qui était médecin et philosophe et qui réfléchit à l'expérience de la souffrance. Il y a toujours cette possibilité ou cette fragilité d'être vraiment totalement démuni, dépossédé, démoli par la souffrance. Et pourquoi l'espace du visage ? Parce que l'espace du visage est celui de l'hyper-expressivité du sujet quand il ne peut plus dire. S'il a la mobilité du visage, hein, mais si on part de cette hypothèse, c'est là que la souffrance qui est indicible va réussir à s'exprimer. Et donc il s'agit d'y être attentif. Il faut y être attentif une deuxième fois parce que l'espace du visage est aussi l'espace de la singularité, de la subjectivité, c'est l'espace de l'identité du sujet. Donc si le visage d'un patient est complètement oblitéré par le masque de la douleur, on comprend qu'il n'est plus lui-même dans la douleur. Et que ce dont la douleur, quand elle dure, quand elle s'inscrit dans la durée ou la chronicité, ce que la douleur fait, c'est qu'elle dépossède le sujet de qui il est. Il se perd lui-même dans la douleur. Et pourtant, ce que nous dit Ricoeur, c'est que la douleur est un événement quotidien. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui. C'est quand il parle de mal de dents ou de la perte d'un ami, c'est que c'est à la fois quelque chose de banal et d'exceptionnel. Ça fait partie en fait d'une définition de l'être. Parler justement de l'être, c'est aussi parler du fait qu'il ne soit pas seulement libre de parole, en action, mais aussi qu'il soit souffrant ou douloureux. Alors comment en fait cette douleur est à la fois une expérience qui rend l'individu étranger à lui-même, mais qui aussi en même temps exprime quelque chose de fondamental de l'individu. Pour Ricoeur, la définition d'un sujet, c'est qu'il y a à la fois agissant et pâtissant. C'est-à-dire, nous sommes dans l'agir et dans la passivité. Donc dans l'action et la passivité. Exactement. Et parce que nous sommes vivants, nous sommes amenés à souffrir. C'est l'une des conditions même de l'existence humaine, c'est d'avoir à éprouver le fait d'être vivant à travers aussi une sensibilité douloureuse et pas seulement une sensibilité exaltante ou plaisante. Donc les pôles du plaisir et de la douleur sont des pôles qui définissent en fait les variations des sentiments, des sensations de l'expérience humaine. Donc en ce sens, la douleur fait effectivement partie de notre quotidien. Et voilà, depuis ce matin, on a pu se cogner, se coincer les mains dans une porte. On peut avoir mal au ventre en se levant, etc. Donc, des petites douleurs, effectivement, ça fait partie du quotidien. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que, donc, de Paul Ricoeur, enfin, cette conférence, La souffrance n'est pas la douleur, c'est qu'il fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une phénoménologie de la douleur en partant de ces micro-expériences désagréables jusqu'aux épreuves les plus extrêmes. Il parle de ce que c'est que d'endurer la torture, il parle du deuil. Donc il montre bien quelles sont les variations jusqu'à la douleur qui est en excès absolu. Parce que ce qui définit la souffrance pour Ricoeur, c'est ça, c'est d'être en trop. Je me serais bien passé de me coincer les doigts dans la porte, etc. C'était une expérience en trop. Mais cet excès peut aller jusqu'à la démesure, au point d'anéantir le sujet, au point de le faire totalement disparaître. Notamment dans l'expérience de la torture, où le sujet renonce même, dit Ricoeur, à endurer. Parce que notre rapport au souffrir, pour Ricoeur, c'est ça. C'est qu'on endure. On persiste à être malgré la douleur. C'est notre manière de persister dans l'être. Mais il y a des points de non-retour, des points d'hubris de la douleur, de démesure absolue, où le sujet est anéanti, annihilé par la puissance de cette souffrance-là. Ce qui est paradoxal avec la douleur, et il le dit Ricoeur, il parle de cas limite. Alors il dit « reste un cas limite », comme si c'était moins important que la souffrance qui déborde tout. Mais néanmoins, ce terme de cas limite montre bien que la douleur nous place à ce point effectivement très ambigu, où c'est quelque chose effectivement qui fait partie de la vie, mais qui nous met sans cesse sur le bord, qui nous fait frôler, qui nous fait envisager la mort. Et cette chose insupportable nous fait aussi tenir. Donc il y a aussi quand même ce paradoxe de se maintenir dans la douleur. C'est-à-dire qu'à chaque moment où on est douloureux, je parle notamment quand même des douleurs extrêmes, elle est toujours excessive, vous l'avez dit, mais on a l'impression qu'on ne pourra pas tenir. On dit que c'est insupportable. Et pourtant, on va quand même tenir. Il va quand même se passer quelque chose qui fait qu'on va persévérer. Oui, je lisais hier par hasard un extrait d'une lettre d'Apollinaire qui disait « C'est fantastique tout ce que l'homme peut supporter ». Donc dans un contexte qui est un contexte de conflit, mais on supporte toujours plus que ce qu'on avait imaginé être capable de supporter. Souvent, quand on est soi-même dans une situation psychique ou physique très éprouvante, les autres nous disent « je sais pas comment tu fais pour supporter ça, moi j'y arriverai pas ». Et en réalité, la situation est tout simplement qu'on n'a pas le choix, qu'il faut réussir à supporter cette situation pour continuer à être, pour voilà, continuer à vivre, jusqu'au point, alors au point de rupture ou de basculement, où effectivement elle devient absolument insoutenable. Et ça, il faut aussi l'entendre, y compris dans un contexte de soins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait endurer à des patients, par exemple en fin de vie, quelles décisions politiques on doit prendre pour éviter qu'il y ait des douleurs qui soient humainement insoutenables et que certains patients aient à endurer. Donc ça ouvre aussi sur des questions évidemment bioéthiques très importantes. La douleur physique, ça je ne comprends pas. Je comprends que la douleur physique est une sorte de signal d'alarme, pour vous avertir. Or, nous savons aussi que les maladies les plus cruelles et les plus mortelles, les plus définitives, ne commencent pas par la douleur. Ils finissent par la douleur. Ça n'est pas, par conséquent, un signal d'alarme. Alors je ne comprends pas pourquoi. J'ai eu pendant longtemps des coliques hépatiques qui sont atroces. Je ne comprends pas pourquoi je souffre pour ça. À quoi ça sert? Alors pourquoi? Voilà le problème. Il doit y avoir certainement une logique. Mais moi, je ne la comprends pas. Et je crois que les hommes ne la comprennent pas encore. Si bien que, quand la douleur est trop grande, je crois qu'on doit mourir. On ne peut pas la supporter. Mais j'ai l'impression que ce qui a les plus grandes découvertes par la médecine, c'est l'apaisement des douleurs. Ça, c'est magnifique. Qu'on puisse les calmer. C'est, je trouve, une archive exceptionnelle de Jean Giono du 3 avril 1968. Une heure avec Giono, c'était diffusé sur France Culture. Elle est exceptionnelle parce qu'il dit quelque chose de tout à fait sensé. C'est-à-dire, à quoi ça sert de souffrir? Pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir? Puisque on ne peut pas le contrôler, on revient un peu sur ce cliché qu'on a entendu au début, et puis ça n'est pas un signal d'alarme. Parfois les pires maladies, on ne les ressent pas, c'est la douleur qui vient après. Alors à quoi ça sert de souffrir? Oui, on a longtemps dit que effectivement ça avait un sens, notamment médical, ça nous permettait d'identifier un dysfonctionnement corporel. En réalité, il y a beaucoup de pathologies qui se développent dans le silence des organes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est effectivement le pourquoi, et le pourquoi a deux sens. C'est à la fois au sens logique, on ne comprend mais pas de logique. À quoi ça sert. C'est de la pure perte, du gaspillage d'énergie, et puis aussi un pourquoi qui est peut-être plus métaphysique. C'est pourquoi cette douleur m'est infligée. Qu'est-ce que c'est que cette punition? Pourquoi mon enfant? Pourquoi cette douleur? Etc. Donc et là, il y a quelque chose d'incompréhensible. Et quels que soient les sens qu'on essaye de mettre face à cette épreuve, à moins peut-être de l'insérer justement dans une épreuve qui relèverait d'une transcendance. Dieu nous mettrait à l'épreuve, mais même dans ces cas-là, même quand Dieu nous met à l'épreuve, on peut quand même continuer à se dire pourquoi. Il y a cette absurdité, en fait. C'est ça le mot, c'est un non-sens absolu de quelque chose qui nous est imposé, dont sans doute on fera pas grand chose de bien. Enfin, je crois que tous les discours qui nous laissent croire que la douleur nous rend plus endurants, plus fort, qu'elle sublime quelque chose en nous, moi je crois qu'elle effrite, elle rend fragile, elle rend vulnérable, elle fait craindre la prochaine douleur. Ricoeur dit que se constitue dans notre imaginaire une effigie de la douleur. C'est-à-dire, une fois que j'ai eu mal, je sais ce que c'est. Et je vais avoir peur de la prochaine douleur. Donc cette effigie-là, elle a une puissance en nous. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est un savoir qui n'est pas une connaissance. C'est-à-dire que j'ai beau le savoir dans ma chair, j'ai beau l'avoir vécu, déjà, en fait, ça s'oublie, la douleur. Ouais, c'est vrai. Je témoigne en tant que femme qui a accouché, je ne me souviens plus des douleurs de l'accouchement, j'ai juste le souvenir de moi-même criant, mais je ne pourrais pas essayer de me ressouvenir de ce que ça m'a fait véritablement dans mon corps, sauf me dire je n'ai pas envie de le revivre. Donc il y a un savoir quand même qui n'est pas qui ne s'inscrit pas, qui ne persiste pas presque. Et puis il y a aussi un savoir qu'on n'arrive pas à dire. Et puis il y a un savoir qui n'est pas logique, alors que ce qu'on sait a priori pourrait avoir effectivement, comme le dit Giono, un sens. Or là, effectivement, il y a la douleur qui est une nécessité de l'existence. On ne peut pas ne pas avoir mal à un moment donné, même si on peut éviter des grandes maladies, on va avoir mal à un moment donné. Et pourtant, c'est absurde. Oui, effectivement, quand je me souviens d'une douleur, elle est très amoindrie dans mon souvenir. Et je suis toujours étonnée, dans le cas de douleurs chroniques, d'être de nouveau surpris par l'intensité de la douleur. Je l'ai déjà vécu 1000 fois, et pourtant, je me dis, ah, c'est vrai, ça fait mal à ce point-là. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être un mécanisme de défense nécessaire. De déni, presque. Peut-être, surtout dans des expériences comme celle de l'accouchement, peut-être que c'est nécessaire pour que... Pour en faire d'autres. Ouais. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais je crois que c'est vrai que je n'arrive pas à me souvenir de l'intensité de la douleur, précisément parce que peut-être je n'arrive pas à en faire un objet de pensée, à proprement parler. Je n'arrive pas à former quelque chose qui peut, dans ma représentation, restituer quelque chose de l'intensité de ce qui a été vécu et de l'intensité de la douleur. Mais ce que parviennent à faire, et là je vous propose d'écouter un autre écrivain qui n'est pas comme Giono, qui n'est pas démuni comme Giono l'a dit dans cet archive de 68, mais un autre écrivain, un poète même, Henri Michaux, qui a vécu lui aussi des douleurs intenses et a produit à partir de cette douleur des textes magnifiques. À force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et me démesurai irrésistiblement. Je fus toute chose, des fourmis surtout, interminablement à la file, laborieuse et toutefois hésitante. C'était un mouvement fou. Il me fallait toute mon attention. Je m'aperçus bientôt que non seulement j'étais les fourmis, mais aussi j'étais leur chemin. Car de friable et poussiéreux qu'il était, il devint dur. Et ma souffrance était atroce. Je m'attendais à chaque instant à ce qu'il éclatât et fût projeté dans l'espace. Mais il tint bon. Je me reposais comme je pouvais sur une autre partie de moi, plus douce. C'était une forêt. Et le vent l'agitait doucement. Mais vint une tempête. Et les racines, pour résister au vent qui augmentait, me forèrent, ce n'est rien, mais me crochetèrent si profondément que c'était pire que la mort. Une chute subite de terrain fit qu'une plage entra en moi. C'était une plage de galets. Ça se mit à ruminer dans mon intérieur, et ça appelait la mer, la mer. Souvent je devenais boa, et quoique un peu gêné par l'allongement, je me préparais à dormir. Ou bien j'étais bison, et je me préparais à brouter. Mais bientôt, d'une épaule me venait un tel typhon, et les barques étaient projetées en l'air, et les steamers se demandaient s'ils arriveraient au port, et l'on n'entendait que des SOS. Je regrettais de n'être plus boa ou bison. Peu après, il fallait me rétrécir, jusqu'à tenir dans une soucoupe. C'était toujours des changements brusques. Tout était à refaire, et ça n'en valait pas la peine. Ça n'allait durer que quelques instants. Et pourtant, il fallait bien s'adapter. Et toujours ces changements brusques. C'était Henri Michaux, encore des changements, extrait de son recueil La nuit remue, un recueil de 1935 qu'on vient d'entendre interprété par Hélène Losseur. On a entendu dans ce poème effectivement tout ce que fait la douleur, à savoir une dissolution de l'identité. C'est-à-dire que tour à tour, le jeu qui parle devient une fourmi, puis il est envahi par une plage, puis il devient boa, bison, et il parle d'adaptation. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut peut-être pas parler du fait de s'habituer, mais effectivement, en fait, de s'adapter et de prendre différentes formes au fur et à mesure de la douleur. Oui, en même temps, il n'y arrive pas. C'est-à-dire, à peine j'ai réussi à m'adapter à cette nouvelle forme, à peine tout de suite, je suis envahie par une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un devenir animal, c'est un devenir plage, c'est-à-dire à chaque fois des métamorphoses qui sont énormes, qui nous font passer d'un règne à un autre. D'une nature à l'autre. D'une nature à l'autre, donc c'est des métamorphoses ontologiques. On a vraiment à chaque fois des transformations qui sont insupportables par la démesure du passage de l'un à l'autre. Et en fait, ce que Michaud dit bien, c'est le ressenti physique et psychique de celui qui souffre. C'est-à-dire, mon bras me fait mal, il est devenu comme une armoire au bout de mon épaule. Ou mon corps est devenu comme un incendie à cause de l'intensité de la douleur. Et donc, par ces images et par tout ce processus d'analyse des métamorphoses, on a un vertige de l'identité, on ne sait plus du tout qui on est, mais aussi une violence absolue de ces extensions, ces rétrécissements, ces déformations jusqu'à l'informe. Puisque finalement, tout ce qui se passe ici, c'est autant d'expériences, non pas qui finissent par m'apporter une forme, mais qui me vident même de l'énergie de tenir une forme. Et le sujet est littéralement épuisé, exténué et déformé au point d'être totalement informe. On le voit dans la suite du poème ou dans d'autres poèmes encore, il y a à la fois cette attention à l'intensité, avec ces images récurrentes du feu, de l'incendie, des chiens qui le suivent, qui le mordent, des abeilles qui le piquent, etc. Donc on a parfois tout un bestiaire cauchemardesque qui s'attaque au corps de celui qui souffre, ou alors ce corps qui devient en partie meuble, en partie roche, en partie boa, et qui donc sans cesse est déformé par l'expérience. Et ça, je trouve que c'est très bien dit, cette impossibilité de s'habituer à la douleur, surtout quand elle bouge dans le corps. C'est-à-dire dans certaines expériences de maladies qui durent ou de maladies chroniques, la douleur se déplace. C'est comme une espèce d'ennemi qui s'amuse à changer de territoire pour mieux nous surprendre là où il va apparaître. Et ce mouvement intérieur de la douleur, presque cette logique guerrière de la douleur, me semble très bien restitué par Michaud. Encore des changements, s'intitule le texte. Et cette multiplicité, comme si à la limite je pourrais m'habituer à une douleur qui est toujours un peu la même, comme si je pourrais m'y faire, je sais pas, de toujours marcher en ayant un peu mal à la cheville. Ça, on peut l'envisager. Mais une douleur comme ça, qui a cette intensité, qui me déforme à ce point et qui m'expulse en fait de mon propre corps, ça c'est insupportable. Ce qui veut dire qu'en fait la douleur n'est jamais incorporée. C'est sans doute le plus difficile à faire, c'est de réussir à intégrer en soi une part continue de douleur. Mais ceux qui vivent avec des maladies chroniques le font. C'est-à-dire, voilà, je réveille tous les matins avec les mêmes douleurs. Et elles font partie finalement de leur ressenti physique. Mais là encore, c'est une question de seuil. C'est devenu une sorte de normalité, on pourrait dire. Ça, c'est ce que dira Quand Guillaume dans Le normal et le pathologique, c'est-à-dire que le malade va intégrer des normes ou va définir comme étant sa vie normale une vie au sein de laquelle il peut y avoir un certain degré quotidien de douleur. Et cette idée de déformation, en fait, ce que permet aussi de comprendre Michaud, c'est qu'à défaut de donner justement, en fait, de faire de la douleur un objet de pensée, d'en donner une définition universelle, ce qui ne correspondrait pas, en fait, à l'expérience de la douleur, exactement, mieux vaut en décrire, effectivement, la déformation ou les effets qu'il a sur notre rapport à l'espace et au temps. C'est-à-dire, on est à la fois rendu étranger à soi-même parce qu'on change de nature, la douleur tout à coup apparaît à un endroit, après elle déforme un autre endroit, elle accélère, on entend la musicalité du poème. Tout à coup ça va très vite, c'est brusque, ça s'arrête, ce qui retranscrit parfaitement en fait ce que voulait faire aussi Ricoeur, une phénoménologie de la douleur. Oui, c'est deux manières de le faire, et finalement peut-être que, pardon pour Ricoeur, mais Michaud a raison, c'est-à-dire que peut-être que précisément essayer de poser le concept de souffrance ou de douleur, ce à quoi d'ailleurs finalement Ricoeur renonce assez rapidement. Hein. Et nous-mêmes ici, on dit de manière très, de manière synonyme, on emploie avoir mal, avoir douleur et souffrir. Mais peut-être que la meilleure manière de donner à comprendre et à ressentir ce que c'est que l'expérience de la douleur, c'est précisément d'en restituer la dynamique, comme vous l'avez dit, le rythme, l'espèce d'affolement qu'elle produit chez le sujet. Donc il y a à la fois ce rythme et cette musicalité des termes, mais il y a aussi le côté monstrueux des images, c'est-à-dire la manière dont on passe d'une forme humaine à une forme serpentine, puis à une forme rocailleuse. Enfin, c'est comme si on ressentait le corps humain qui est étiré, allongé, puis rétréci, puis morcelé, dispersé. Ça nous donne quand même le sentiment de ce que c'est d'être à ce point écartelé et démembré par la douleur. Et alors là, la douleur aussi explose les catégories entre ce qui est purement local et corporel, physique, et aussi ce qui est l'ordre du psychique, Claire Marin, puisque depuis tout à l'heure, on parle de représentation en fait de la douleur. On l'anticipe, on ne s'en souvient pas, on essaie de la constituer comme un objet de savoir, et finalement, la douleur est un travail de représentation. Oui, c'est pour ça que Ricoeur notamment insiste beaucoup sur la part de l'imaginaire dans ce rapport à la douleur et la manière dont le souvenir ou la représentation, on pourrait dire aussi par exemple avec David Le Breton, que les représentations culturelles de la douleur vont aussi complètement changer mon rapport à la douleur. Il y a une douleur qui semblait nécessaire, qui a longtemps été liée à des travaux manuels ou physiques. Chez les paysans, les ouvriers, il y avait des douleurs avec lesquelles on faisait, si on peut dire, et qui pendant longtemps a été considérée comme normale, comme allant de pair avec un certain type de travail. Selon les représentations culturelles, il y a ceux qui ont le droit de se plaindre et ceux qui ne doivent pas, selon leur genre par exemple, ou leur statut social. Donc tous ces éléments-là, c'est de l'ordre de l'imaginaire social, culturel, collectif, conscient ou inconscient, qui vont évidemment changer ou en tout cas déterminer notre rapport à la douleur et à son expression. Mais c'est une question à poser à l'époque. Est-ce qu'on est devenu plus conscient de la douleur? On est dans une prise en compte de la douleur. Par exemple, quand on va à l'hôpital, on va essayer de caractériser la douleur. Les médecins vont nous demander, on l'a entendu dans un des extraits au début, sur une échelle de 1 à 10, comment, où mettriez-vous votre douleur? Ce qui est d'ailleurs très difficile, parce que 1 à 10 n'est pas pareil. 2 pour moi n'est pas le même 2 pour vous. Donc, on n'a pas la même habitude, le même passé, le même rapport à la douleur. Mais ce qui veut dire aussi que cette douleur, est-ce qu'on l'a prise en compte ou au contraire, est-ce qu'on est devenu presque peureux de la douleur? Est-ce qu'on la regarde en face ou est-ce qu'on ne supporte plus d'avoir mal? Je pense qu'on n'est pas devenu des petites choses fragiles. Je crois qu'on a pris en compte l'impact de la douleur et la manière dont elle défait le sujet, le dépossède de lui-même. Et en ce sens, on est dans un ajustement qui me paraît tout à fait légitime et qui est pas de l'ordre d'une espèce d'hypersensibilité. On n'est pas dans une anesthésie générale. Je pense pas que la prise en compte de la douleur aujourd'hui serait quelque chose qu'on pourrait critiquer. Il me semble au contraire qu'il reste encore beaucoup de progrès à faire pour prendre en compte un certain nombre de douleurs qui n'osent pas se dire parce qu'elles peuvent être liées par exemple à des sujets ou des parties du corps tabous. Il y a encore beaucoup de patients qui souffrent pendant des années sans oser aller consulter parce que ça leur paraît impudique ou indécent. Il y a des douleurs, notamment celles des femmes, qui ont longtemps été minimisées ou qu'on a même accentuées sans s'en rendre compte par la pratique médicale ou en s'en rendant compte si on va dans les cas les plus extrêmes. Il reste, je crois, beaucoup de progrès à faire sur la prise en compte de la douleur physique, évidemment, mais aussi psychique. Et là, on voit bien que il y a un chantier énorme qui consiste en en la création d'espace de parole pour ce que Rickler appelait la plainte. Mais ici, la plainte n'est pas à concevoir de manière négative. Je crois que y a énormément d'individus qui souffrent en silence et qui ne savent pas à qui s'adresser, ou alors qui n'arrivent pas à trouver de psychologue ou de psychiatre ou même d'interlocuteur pour dire leur souffrance. Et puis il y a le cas aussi où on tente de le dire, mais ça n'est pas audible, parce que il y a aussi une manière. Enfin, la douleur est devenue aussi un sujet qui est moins tabou. Donc le fait de le dire fait qu'il y a aussi un ensemble aussi de plaintes à entendre, toutes légitimes, mais qu'effectivement, on n'a pas, la hiérarchie n'est pas la bonne, on n'arrive pas au bon moment, on n'a pas trouvé effectivement l'espace, l'interlocuteur. Donc on devient inaudible parce que la douleur est devenue un sujet aussi de société. En fait, le fait d'être inaudible dépend à la fois de l'interlocuteur. Il y a effectivement des choses qu'on peut dire à un médecin ou à un psychologue, mais qui seront dévastatrices si on en parle à ses proches ou à ses amis. Donc il faut aussi mesurer l'effet que notre douleur produit sur ceux qui nous sont proches, par exemple. Et puis il y a la question effectivement de la formulation de cette plainte douloureuse. C'est-à-dire, parfois dire notre douleur est contre-productif. Parfois, ça se retourne contre nous. Et c'est la question, par exemple, des violences sexuelles, dont on voit bien à quel point, parfois, elle redouble la douleur de la victime, puisqu'elle ça ne soulage pas. Elle ne sera... Oui, mais ça dépend aussi de l'interlocuteur, de la réception de cette douleur. Si on ne nous croit pas, pourquoi les déportés se sont tués au retour des camps de concentration? Pourquoi certaines victimes de violences sexuelles se taisent? C'est parce que parfois, dans les tentatives pour dire, elles ont reçu... une fin de non-recevoir. Exactement, elles se sont confrontées au fait qu'on ne voulait pas les entendre, qu'on ne voulait pas les croire, que c'était inaudible parce que, là encore, en excès, une plainte démesurée, soit qui nous renvoie à notre impuissance, à notre culpabilité, à notre aveuglement, soit qui produit en nous une représentation insupportable. Et donc on préfère être dans une forme de déni face à ce que la douleur dont l'autre me parle représente à mes yeux. Mais on parlait de l'isolement au tout début, enfin vous en parliez, Claire Marin, à partir du texte de Paul Ricoeur. La maladie est à la fois quelque chose qui nous isole, la douleur nous isole, et en même temps c'est un appel à l'autre. Et on se rend compte aussi que dire la douleur, parfois, ne produit pas l'effet qu'on attend. C'est-à-dire, ça ne nous soulage pas, on n'a pas, l'autre n'est d'aucun remède, et cette libération en fait de la douleur par la parole ne rend pas hommage en fait à la, ne permet pas d'apaiser sa douleur et ne me permet pas de rendre hommage au geste que je viens d'accomplir en essayant de dire ma douleur. Oui, ça peut ne pas suffire, c'est-à-dire cette espèce de puissance cathartique de la parole, hein, qui nous libérait, qui nous purifiait de la douleur. Je crois qu'elle a une forme d'efficacité sur le moment, mais que dans le temps, la douleur reste incrustée en nous. Enfin, elle est là durablement. Là encore, ça dépend du type de douleur dont il s'agit, mais celle que j'ai vraiment besoin, de manière peut-être presque vitale de dire, c'est celle dont peut-être je n'arriverai jamais à me défaire. Et je peux écrire, je peux dire, je peux crier, je peux hurler ma douleur. Si elle reste là, elle garde une certaine puissance sur moi. Elle continue, je continue à l'endurer. Eh, hey, ça va vite! Allons-y, j'espère! Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Oh, le fion, feignasse! Arrêtez de déconner, elle fait mal! Tu as mal où? Pour Nathalie, arrête ton cinéma! Tu vois bien que j'ai mal? C'est très douloureux. Oui. Oui, bah c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Bon, bah je vais te remettre ça en place et puis ça ira tout de suite mieux après. Et ça va faire mal! Non. La douleur, il n'y a pas, semble-t-il, 36 moyens de la traiter. La douleur, après tout, ça se soigne. Enfin, je veux dire, la société en libère les individus qui souffrent, et c'est les médicaments, ou elle se libère de ceux qui ne peuvent pas cesser de souffrir, et c'est l'hôpital. Ces deux solutions, bien sûr, elles nous sont familières. Mais il me semble qu'il ne s'agit là, au fond, que de deux techniques parmi d'autres, parmi bien d'autres, qui sont beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus complexes, et qui ont été essayées dans d'autres sociétés que la nôtre, et qui sont peut-être encore actuellement utilisées par notre société. On pourrait dire, si vous voulez, quelque chose comme ceci. Si toute culture cherche, en effet, à soigner la douleur, et je ne crois pas qu'il y ait de société aussi primitive qu'elle soit sans médecin, il n'y a pas non plus de civilisation, aussi civilisée qu'elle soit, qui n'encercle la douleur dans une sorte de rituel, dans un cérémonial, qui lui donne une figure hiératique et indispensable. Chez ces animaux bavards et souffrants que sont les hommes, la douleur relève toujours à la fois du domaine de la technique et du domaine du sacré. Et on pourrait ajouter à la suite de Michel Foucault dans cette archive du 3 avril 1963 que la douleur relève à la fois de la technique, du sacré, mais aussi maintenant en fait d'une forme d'esthétique, d'esthétisation, de comédie, puisqu'on a entendu cet extrait canonique des Bronzés font du ski où Nathalie, interprétée par Josiane Balasko, se démet l'épaule et alors tout le monde rit, puisqu'en plus elle est tombée, donc tout le monde rit, elle est véritablement tombée mal et malade, et on lui dit « relève-toi, fais s'arrête ton cinéma », et il y a effectivement cette mise en scène de la douleur qui est typique en fait d'une prise en charge de la douleur dans notre société, à savoir on la rend ridicule, on la dédramatise, on en fait un sujet de rire, ou alors à l'inverse vraiment de dramatisation extrême, mais il n'y a pas de juste mesure dans cette esthétisation de la douleur, Claire Marin. Alors effectivement on peut passer d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire la mise en scène de la douleur dans des films ou dans des tableaux où elle est de l'ordre d'une douleur démesurée, tragique, extrême, où on touche aux limites du sujet. On peut penser au tableau Le Cri, on peut penser à des tableaux de Francis Bacon où le sujet est déformé par la douleur sans qu'on sache de quelle douleur il s'agisse. Est-ce que on arrive à avoir une esthétique de la douleur qui soit proche du ressenti du sujet? Je crois que de plus en plus, l'hôpital étant investi par les représentations proposées dans des films ou dans des séries, on touche à quelque chose de plus juste sur ce que la douleur peut être, et qu'on s'éloigne de ces deux extrêmes qui dominaient entre guillemets la scène des images et des représentations. Je crois qu'il y a une sensibilité à la douleur ou une manière que le cinéma est quand même très à même de restituer depuis quelques décennies. Et qui nous dit quelque chose de la douleur, et c'est la puissance du cinéma comme de la littérature, hein, de nous mettre dans la peau du patient et de nous faire comprendre ce que c'est que d'être envahi par une douleur, par une angoisse qu'elle revienne, par l'immobilisation du patient. Donc heureusement, d'une certaine manière, il y a des formes d'esthétique de la douleur qui disent quelque chose d'authentique et de juste sur ce que cette expérience constitue. Donc l'esthétisation n'est pas une dénaturation, non, pas une dépossession de la douleur. Je ne crois pas que ça le soit nécessairement. Je crois qu'il y a au contraire dans toute une mise en scène esthétique quelque chose qui nous permet de toucher au plus juste de l'expérience du sujet. Alors que c'est vrai que dans Les Bronzés font du ski, aussi drôle que soit l'extrait, effectivement on ne se met pas à la place. Non, de la personne qui on reste spectateur, c'est on fait même partie de ses amis qui rient en fait de leur ami, et tout en se disant d'ailleurs qu'on a été aussi cette personne qui est tombée et dont les gens ont ri, et en se disant mais j'espère ne plus jamais être cette personne-là. Donc il y a aussi dans la douleur quelque chose qui relève de la honte. Ce n'est pas seulement qu'on n'arrive pas à la dire, c'est aussi qu'elle nous met à une place qu'on ne veut pas occuper. Oui, bien sûr. Et le rire est peut-être une défense. C'est-à-dire, si on minimise la douleur de l'autre, c'est que on veut se protéger de l'idée qu'un jour on souffrira peut-être d'une même douleur. Si on veut à tout prix croire que l'autre exagère quand il nous dit à quel point il a mal, c'est pour nous rassurer si un jour, nous aussi, on avait une telle rage de dents ou si on faisait la même chute de ski. C'est une manière de penser à soi avant de penser à l'autre. Mais ce qui est plus étonnant, c'est la figure du médecin qui est absolument caricaturale. Parce oui, donc interprété par Christian Clavier. Lui sait. Quelle est la douleur de la patiente, qui en l'occurrence est son ami. Donc celui qui est sans doute le plus cruel de tous, c'est lui dans l'histoire. Mais est-ce que les médecins savent vraiment ce que c'est que la douleur ? Ça, c'est une bonne question. Et je crois que c'est un point crucial des études médicales. C'est de réussir à permettre à ceux qui n'ont jamais éprouvé certains types de douleurs et qui pourtant auront à les soigner ou à les soulager, d'avoir une idée la plus juste possible de ce que le patient est en train d'éprouver, à la fois physiquement mais aussi psychiquement. Et pour ça, il faut une sensibilité, une intuition de l'autre, une attention à l'autre très forte, parce que la même douleur, par exemple si j'ai très mal au poignet, dans mon existence de tous les jours, ça n'aura aucun impact. Mais si je suis pianiste, ça sera tragique. Donc savoir à qui on s'adresse et quelle est la vie subjective du patient, ça nous permet de comprendre comment cette douleur va faire effraction dans la vie du sujet, voire complètement la bouleverser. Donc l'adaptation n'est pas seulement celui du sujet qui est douloureux, mais aussi en fait des personnes qui l'accompagnent, c'est-à-dire le médecin au quotidien. Mais c'est vrai que la douleur aussi démunit celui qui la vit, mais aussi démunit celui en fait qui est à côté. Et que faire face à un appel de quelqu'un qui est douloureux ? Oui, ça rend impuissant le sujet et ceux qui sont autour de lui. Alors il faut quand même espérer que les soignants ne soient pas dans une telle impuissance, mais parfois il y a, Sarah Ricoeur le dit très justement, un appel qui est tellement en excès que je ne peux pas soulager le patient de tout ce qui le fait souffrir. Et il n'y a pas que les médicaments, comme le dit Foucault aussi. Oui, alors évidemment, il y a les médicaments, et Giono le disait aussi, c'est fantastique, quelle magie extraordinaire. Et de fait, on est très heureux de pouvoir en bénéficier. Mais là encore, enfin si on avait des médicaments pour toutes les douleurs, ce serait merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de douleurs qu'on ne fait pas disparaître, des douleurs qu'on n'explique pas, des douleurs qui restent totalement résistantes à toute forme de traitement. Donc, en ce sens, il faut autre chose. Enfin, il faut de l'humain, il faut du contact, il faut des regards, il faut de l'écoute, il faut de l'attention. Ça aussi, ça fait partie du soin. Le soin n'est pas seulement technique ou médicamenteux. Merci beaucoup Claire Marin, merci d'avoir ouvert cette semaine sur la douleur. De vous, on peut lire Être à sa place aux éditions de l'Observatoire, Rupture aussi aux éditions de l'Observatoire, Souffrance et douleur que autour de Paul Ricoeur que vous avez dirigé avec Nathalie Zakaï-Renner, c'est aux éditions PUF, et d'autres ouvrages que nous mettrons sur notre site. Merci encore. Merci à vous. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Vous écoutez France Culture, Camille, ta douleur, attendue dans cette semaine mais incontournable, et il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique non moins incontournable de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on besoin de l'utilité ? Nous avons une ambivalence profonde sur une notion qui pourrait pourtant paraître simple, qui est la notion de l'utilité. Cette ambivalence se traduit aussi dans les plus hautes sphères de la philosophie. D'un côté, bien entendu, l'utile nous paraît inévitable, incontournable, comme on dit aujourd'hui, et parler même d'un besoin de l'utilité, c'est être redondant, c'est dire deux fois la même chose, c'est un pléonasme. C'est parce que nous avons des besoins, c'est parce que nous sommes des êtres vivants, avec des manques, des choses qui nous sont nécessaires pour vivre, que l'utilité nous apparaît comme un repère inévitable. Nous définissons, nous caractérisons l'utilité par rapport à nos besoins, ce qui nous fait vivre par opposition à ce qui nous fait mourir. Et l'utilité est manifestement une boussole dans la vie des êtres humains comme de tous les êtres vivants. Mais d'un autre côté, l'utilité nous semble aussi réductrice. Il y a quelque chose d'un peu sale, dirait-on, de se contenter de l'utilité. Et la philosophique, qui a poussé d'un côté l'analyse de l'utile très loin, du côté de la vie, du côté du besoin, d'un autre côté, a poussé la critique de l'utilité jusqu'à des sommets. Celui qui est peut-être allé le plus loin, c'est un certain Martin Heidegger, dans un livre de 1927 intitulé « Être et temps ». Dans ce livre, il commence par opposer deux attitudes profondes de ce qu'il n'appelle pas l'homme d'ailleurs, mais l'existant, l'être existant, celui qui se pose la question de l'existence. D'un côté, il est englué dans ce qu'il appelle l'utilité, l'ustensilité, dit-il même pour la rabaisser encore un peu plus. L'utile, c'est la maîtrise du monde, c'est un rapport au monde fondé non pas sur la vie en tant que déploiement et en tant que rapport à un milieu, mais sur la maîtrise technique du monde. L'utile, c'est d'abord l'outil, l'ustensile, ce qui a mené la technique humaine à la domination du monde et par opposition à cette ustensilisation du monde, à cette utilisation du monde, Heidegger définit une attitude qui serait l'ouverture à la question de l'être, l'ouverture à l'existence par opposition à l'utilité, comme si d'ailleurs, et il le fait, comme s'il fallait dépasser la vie pour accéder à cette question de l'être, et il n'hésite pas d'ailleurs à passer par la question de la mort ou par la possibilité du néant qui nous fait dépasser le simple rivage de l'utilité. Il radicalise ainsi une position qu'il reprend à un certain philosophe français, Bergson, qui lui avait dit « D'un côté, nous sommes contraints par l'utilité, mais la philosophie doit aussi aller plus loin. » Mais Bergson, de son côté, ne critiquait pas radicalement l'utilité et la vie. Il en faisait seulement un des deux côtés, une des deux facettes de notre action. Heidegger, lui, allait beaucoup plus loin. Et il y a un côté radical et sans doute dangereux à mépriser ainsi l'utilité qui nous fait vivre et qui nous sert de boussole et à lui opposer quelque chose du côté de la mort. Il y a évidemment une troisième possibilité. Non pas tout ramener à un seul degré d'utilité, non pas critiquer l'utilité, mais élargir notre notion d'utilité, élargir ce dont nous avons besoin. De quoi avons-nous besoin pour vivre? Eh bien justement, peut-être pas seulement de ce qui est pourtant le plus primitif, c'est-à-dire ce qui continue l'existence matérielle de notre corps. Il y a plein d'autres besoins dans la vie. Ce qu'il faut, ce n'est peut-être pas critiquer la notion d'utilité, mais encore une fois, l'ouvrir, car nous avons besoin de culture, nous avons besoin de relations, nous avons besoin de justice, nous avons besoin d'un monde vivable, tout cela en effet est utile, tout cela en effet nous en avons le plus grand besoin. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Salle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Thaïs Eloi-Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isbert avec Laurence Malonda à la réalisation, à la prise de son aujourd'hui Jordan Fuentes. Merci à Hélène Losseur à la lecture des textes. Si vous voulez réécouter ou écouter cette première émission sur la douleur, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine sur la douleur et demain le pouvoir des larmes, ce sera avec Sarah Rey. À demain sur France Culture.